J'ai mis la veste polaire. Des fils de mon bien colère. C'est des PRR. L'ovni sort du terre-terre. Sur les champs avec les SQ8. En fumette ou sous Q8. Sous charbette, le temps il passe plus vite. C'est la part des apaises dans la suite. J'suis dans la fusée. J'arrive au resto, je sens un peu, j'ai les claquettes usées. J'avoue, j'abuse, inspiré des nets dans la grisaille. Je mets la chapka comme les Russes. T'as pris son nom sous champagne mousseux. Et maintenant elle veut son sac, j'ai comme mousseux. Je me pousse, j'ai fait des dingueries, les flics courses. Les ennemis à tes trousses. J'ai grandi avec art de rue et bourse. Si tu fais le signe, n'oublie pas les pouces. Je tire des barres dans le froid, les mains, les pieds sont congelés. Je suis loin de Los Angeles, ça te met l'œil, t'as des orgies. J'aimerais que tu sois le saint si je te passe les clés du vaisseau. J'ai mis le cache-cou sur la tête avec les hauts clés du réseau. J'aimerais que tu sois le saint si je te passe les clés du vaisseau. J'ai mis le cache-cou sur la tête avec les hauts clés du réseau. Y'a plus de raison, ça voit que les sous à l'horizon. Y'a rien de plus valorisant qu'offrir à ta mère une maison. Y'a plus de raison, ça voit que les sous à l'horizon. Y'a rien de plus valorisant qu'offrir à ta mère une maison. Celui qui fait la pute avec moi, je le laisse. La route est longue, faut se renouveler. Quand t'as pas de sous, même si t'es beau, elle te trouve laid. T'as pas Pookie, ouais, ben prouve-le. Si ça fait des rumeurs, ben nique-le. T'as pas Pookie, ben prouve-le. Si ça fait des rumeurs, ben nique-le. Faut pas oublier, ce qu'ils t'ont donné, ce qu'ils t'ont fait du bien. Faut pas oublier. Y'a tout le monde, y'a plus personne quand t'as plus rien. Faut pas oublier, tu te sens bouconner à Gouna. T'as pas honte, tu grattes des ch'tounes. En moto, je donne sous la luna. Petit opinel dans la doudoune. Fais pas le crasseux une fois que t'as percé. Fais profiter les gens, fais pas le perso. Plus d'espoir, ça mise tout au tiercé. Ça cache des kills dans le merco. C'est fini les on se connaît depuis le berceau. Tu me critiques, ben vas-y remplis Bercy. J'en suis là parce que je persiste. Et y'a personne qui me dit de faire ça de vrai. Vraiment que tu sois le saint si je te passe les clés du vaisseau. J'ai mis le cache-cou sur la tête avec les hauts clés du réseau. Vraiment que tu sois le saint si je te passe les clés du vaisseau. J'ai mis le cache-cou sur la tête avec les hauts clés du réseau. Y'a plus de raison. Ça voit que les sous à l'horizon. Y'a rien de plus valorisant qu'offrir à ta mère une maison. Y'a plus de raison. Ça voit que les sous à l'horizon. Y'a rien de plus valorisant qu'offrir à ta mère une maison.